Benji dans la danse, une fois de plus juste pour vous en mission. On vient donner du bon son et des bonnes vibrations, c'est la dancehall session. Hey. Allumez les deux pieds, c'est le dancehall phénomène. Si c'est du raga qu'ils veulent, laisse nous faire, y'a pas de problème. Bouge encore, bouge encore, la musique d'entre eux. C'est ce que tous les gens veulent, du plus jeune au plus âgé, oui c'est ce que les gens veulent. De Kingston à Paris, Africa et West Indies, la dancehall nous envahit. Il fallait s'y attendre, boum dans leur face. Une grosse basse bien grasse qui fait trembler la place. Il fallait s'y attendre, présent depuis longtemps. Dis-moi qui aujourd'hui peut freiner ce mouvement. Bollywood, allumez les briquets, c'est le dancehall phénomène. Si c'est du raga qu'ils veulent, laisse nous faire, y'a pas de problème. Bouge encore, la musique d'entre eux. On revient vous faire danser, car c'est ce qu'on aime. On l'entend dans la capitale, mieux vaut tard que jamais, le raga devient official. On l'entend dans la capitale, pour ceux qui l'apprécient, le raga raga s'installe. L'heure est venue, le reggae explose, et j'invite la jeunesse à bouger au son du dancehall. Il y a déjà trop longtemps qu'on attend que cette musique résonne à fond la caisse. J'apprécie, tout le monde est prêt. Non, rien ne peut plus l'arrêter, c'est parti. Le choix du peuple nous montre bien que le succès se construit. On amène le raga au top et le travail s'accomplit. On veut que ça dure, on bosse dur et le public l'a compris. Allumez les briquets, c'est le dancehall phénomène. Si c'est du raga qu'ils veulent, laisse nous faire, y'a pas de problème. Bouge encore, bouge encore, la musique s'en veut. On revient vous faire danser, car c'est ce qu'on aime. Big up les anciens, big up les nouveaux, tous ceux qui contribuent à mettre le reggae au top niveau. A tous ceux qui font danser la jeunesse dans les quartiers chauds, à tous les DJ, tous les lovers internationaux ou locaux. Tous les selecta qui foutent le fire dans la danse, et toutes les dancehall queens qui bougent avec élégance. Dans les sound systems ça le fait, tous les rasta dans l'ambiance, dans les soirées ça le fait, la foule est en transe. Tout le monde la main en l'air, c'est le dancehall phénomène. Début d'une nouvelle ère, on inonde la barre des fêtes. On veut cette musique partout, on veut qu'elle joue, on fera tout pour voir le reggae au sommet, tu peux compter sur nous. Allumez les briquets, c'est le dancehall phénomène. Si c'est du raga qu'ils veulent, laisse nous faire, y'a pas de problème. Bouge encore, la musique t'en veut. On revient vous faire danser, car c'est ce qu'on aime. Allumez les briquets, c'est le dancehall phénomène. Si c'est du raga qu'ils veulent, laisse nous faire, y'a pas de problème. Bouge encore, la vie.